Xbox y como os tema. Mes bateaux sont du sale sur la Yamaha. Terre rompue calendrier, jamais il y aura mieux. Je vais te dire quoi est ton meilleur ami. Et puis je verrai qui fait le meilleur adieu. C'est moi le C63, j'arrête le jeu. Ouais c'est qui m'a le gueux. Cet hiver il va neiger. Mais qui m'a lui va tromper dans le lieu. Un peu d'alcool, beaucoup moins de charité. J'ai la guerre, les fonds sur le chat et tout. J'suis placé devant la comédie charito. Faut qu'on fasse demi-tour pour aider les charités. Lâche mon mot t'envoler. On rebroit sur le poteau, hola. Et y'a des têtes contrôlées, finissent par SMS en menton, hola. On me dit quoi de neuf, c'est pour quand le V8. J'ai beau comme toi, j'ouvrirai le V8. Faut encore content qu'on a pas mis le power. Ou j'suis un bâti comme Rocky Balboa. On me dit quoi de neuf, c'est pour quand le V8. J'ai beau comme toi, j'ouvrirai le V8. Faut encore content qu'on a pas mis le power. Ou j'suis un bâti comme Rocky Balboa. J'ai fait les 100 pas dans la mer, les 200 joies dans la neige. J'ai des ennemis qui sont libres, et des frérots condamnés. J'ai fait les 100 pas dans la mer, les 200 joies dans la neige. J'ai des ennemis qui sont libres, et des frérots condamnés. On se joint à la couleur pour neige, j'ai juste un abrité dans les mauvais fourneaux. Pas de bol, le rêve est fermé, c'est qui font le rêve, c'est qui fait mille par mère. Sans flexé, ne veut pas d'infirmière, j'aime. Quand tu commences à faire noir là, c'est quoi du rêve de faire bien. Y'a un autre dans ma chaîne, gros j'en fais le faire moi. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. On est sur le terrain, pas cette zone à décroire. Bien du rappeur, viens, j'peux un peu des deux. Les rimes m'ont pas changé depuis l'époque du Minitel. Regarde ce que ça donne, toi j'écris un mini-pile. Tu sais que j'ai la colle, donc oublie tes mini-pelles. On me dit tu les tous, bientôt tu deviens militaire. C'était IM, il est Belly, gros son. Number 10, il est terrible, gros jeu. J'leur souhaite tous de périr, on saut. Défoncé, bah j'suis pénible, on saut. Rapport sec sur la péniche, on saut. Skull secteur est paisible, qu'on zone. Mauvais payeur, le péniche, on tape. Applaudissements, gros j'fais plaisir, on zone. Quartier à temps, alcool à tout, cerveau à temps. Quartier à temps, alcool à tout, cerveau à temps. Quartier à temps, alcool à tout, cerveau à temps. Quartier à temps, alcool à tout. Show.